Non hai joué. Regardez Weeds, c'est la meilleure série du monde. Tu m'étonnes. Avec Mary-Louise Parker. Ah oh, la vache, t'es trop bonne.